J'écris comme Bic, j'suis né comme l'essence. Pis c'est clair comme de l'eau, j'suis pas black comme Deca. J'suis métisse comme la mère de Malcolm X. Ça comme la chance des 3X, la science, la jouissance. J'ai plus que Bruce, silence. Peace, Bruni, Surin, l'haïtien, plein de puissance. Qui course, bonne chance, bonne course. Yo, yo, yo, KC, t'es fou, man. Envoie un gros beat, quelque chose de type, quelque chose de nice. West Indies style. La dose de drogue me drogue. La sens la dose qui me dose. Pure hip-hop de CSV sans pause. Pis si tu veux savoir le score, demande à Laura, tu verras. Ma dope est mieux classée que les petites annonces. Sans j'annonce, j't'annonce qu'avec moi, t'attends pas comment elle leur change. Distribue plus de stock au consommateur que chaque vente radio. Fait que yo, si tu veux heal yo, heal yo. Moi, j'chill yo. Man, j'ai packé ma tune d'explosif nocif. Mais j'suis pas raciste, mais j'persiste comme Spider-Man. Avec un plus gros bat que man. Fait que Catwoman, viens donc chercher Batman. Excusez-moi, je me réveille, j'hallucinais, je dormais dans le premier verset, je rêvais que j'étais une star. Mobile comme une auto, char sport, mais j'suis encore dans mon quartier, comme le pont à Jacques avec un bras dans le plat. Passe le dernier deal la mal tourné, comme la coupe de la mort sur le pont Jacques quartier. Y'a un boulon m'a presque freezé. Pour 2,32 pins silencieux, le douche m'a été chanceux. J'ai vidé ma clip, mais je l'ai manqué. T'es que ridulé, je sais que la business, tu veux pas pour une vie, c'est pas une vie. Tôt ou tard, faut que tu payes le prix. Mais ça me rend puissant, je fais de l'argent, puis j'ai un crew que je commande comme un commandant, pis des filles qui tout le temps, pourtant, en dedans, je sais qu'il est temps que je parte. Ma rose en tabac, rabeux, je m'écarte. La map des armes à feu, elle me dit que ça s'en vient trop dangereux. Mais je viens de faire 20 000 comptants pour une caisse de 145 argent comptant. Tant d'argent comptant me fait oublier ma rose qui a peur, ma mère qui pleure, pis ceux qui meurent. Ça t'écœure, ça m'écœure pas. Ha, je vois comme belles oreilles. Bonjour la police. Boc, boc, boc entre les deux oreilles. Hey, j'en ai plus rien de pareil. Oh, je suis dans un boss New York, Montréal. Tu sais, je me réveille. J'allais chercher d'autres petites merveilles avec une petite merveille. Qu'après 6-7 heures de boss, vont changer en cash. Oups, les douanes. Le boss est fâche. Oh, j'ignore encore mon sort. Les douaniers fouillant dans dehors, trouvent rien. Je suis ben trop fort. Arrive au terminus Berry, souris, ben trop fort. Mais personne n'est là bizarre. Je sors dehors, pogne mes bagages, gages qui sont en retard. Puis je vois deux Chrysler qui se garent à ma gare. De nulle part, trois Schmitz de mort. Ben trop fort, me pogne corps à corps. Mettre les menottes, abîme mon costard. Me retrouve pendant pour 7 ans. Ça fait 2 ans que les écœurants me checkaient. No joke en encellé. Ma première journée de pénitentiaire, je me suis fait cogner. La deuxième, je l'ai piqué pour m'assurer d'une stabilité. La troisième, ils m'ont massacré à 10 piqués. 120 fois tué, le monde m'ont déjà vite oublié. D'autres m'ont déjà remplacé comme si j'avais jamais existé. Aujourd'hui j'ai beau crier mais personne m'entend parler. Hey Kays, c'est quoi? Kays? Non, quoi? Ton album de la balle, psartic, trop carré rouillé. Mais tu sais quoi? T'es de ma mère, je pécho que dalle. Walou refrain. L'accent en vérité, chelou, je pécho up. Tu peux pas faire un cutru là pour les comme du Tchekar là. Tu sais quoi? Il y a longtemps qu'on te voit, tu vois, dans le Tchekar et tout. Zarma ça, tu vois, je suis sûr que tu pécho quoi. Vas-y. Ouais, ben, je peux bien essayer quelque chose, yo. Check it out. Le clic-clic de larmes me calme sur Paname.